Section 10 de Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Livre 10e. Déjà les Natchez s'approchaient de l'ennemi. Shepard fait un signe. Le centre de l'armée se replie et démasque les foudres. À chaque bronze se tient un guerrier avec une mèche enflammée. L'infanterie exécute un mouvement rapide, les grenadiers du premier rang tombent un genou en terre. Les deux autres rangs tournent obliquement et présentent, par les brisures de la ligne, le flanc et les armes aux Indiens. À ce mouvement, les Natchez s'arrêtent et retiennent toute leur voix. Un silence et une immobilité formidables règnent des deux côtés. On n'entend que le bruit des ailes de la mort qui planent sur les bataillons. Lorsque l'ardente canicule engendre dans les mers du Mexique le vent pestilentiel du midi, ce vent destructeur pousse, en haletant, une haleine humide et brûlante. La nature se voile, les paysages s'agrandissent, la lumière scarlatine des tropiques se répand sur les eaux, les bois et les plaines. Des nuages pendent en énormes fragments aux deux horizons du ciel. Un midi dévorant semble être levé pour toujours sur le monde. On croit toucher à ces temps annoncés de l'embrasement de l'univers. Ainsi paraissent les armées arrêtées l'une devant l'autre et prêtes à se charger avec furie. Mais l'épée de Shepard a brillé. Muse, soutiens ma voix et tire de l'oubli les noms de ces guerriers dignes d'être connus de l'avenir. Une fumée blanche, d'où s'échappent à chaque instant des feux, enveloppe d'abord les deux armées. Une odeur de salpêtre qui irrite le courage s'exhale de toutes parts. On entend le cri des Indiens, la voix des chefs français, le hennissement des chevaux, le sifflement de la balle, du boulet et des bombes qui montent avec une lumière dans le ciel. Tant que les Natchez conservent du plomb et des poudres, leurs tubes empruntés à l'Europe ne cessent de brûler dans la main de leurs chasseurs. Tous les coups que dirige un œil exercé portent le deuil dans le sein de quelques familles. Les traits des Français sont moins sûrs. Les bombes se croisent sans effet dans les airs, comme l'orbe empennée que des enfants se renvoient sur la raquette. Follard est surpris de l'inutilité de son art, et Shepard de la résistance des sauvages. Mais lorsque ceux-ci ont épuisé les semences de feu qu'ils avaient obtenues des peuples d'Albion, Adario élève la voix. « Jeunes guerriers des tribus du Serpent et du Castor, suivez vos pères, ils vont vous ouvrir le chemin. » Il dit et fond à la tête des sachems sur les enfants des Gaules. Outougamis l'entendit et se tournant vers ses compagnons, « Amis, imitons nos pères !» Suivi de toute la jeunesse, il se précipite dans les rangs des Français. Comme deux torrents formés par le même orage, descendent parallèlement le flanc d'une montagne et menacent la mer de leur égale fureur, ainsi les deux troupes des sachems et des jeunes guerriers attaquent à la fois les ennemis. Et comme la mer repousse ses torrents, ainsi l'armée française oppose sa barrière à l'assaut des deux bataillons. Alors commence un combat étrange. D'un côté, tout l'art de la moderne Bellone, telle qu'elle parut aux plaines de Lens, de Rocroi et de Fleurus. De l'autre, toute la simplicité de l'antique Mars, telle qu'on le vit marcher sur la colline des Figuiers et au bord du Simoïs. Un vent rapide balaye la fumée et le champ de bataille se découvre. La difficulté du terrain, encombré par les forêts abattues, rend l'habileté vaine et remet la victoire à la seule valeur. Les chevaux engagés entre les troncs des arbres déchirent leurs flancs ou brisent leurs pieds. La pesante artillerie s'ensevelit dans des marais. Plus loin, les lignes de l'infanterie, rompues par l'impétuosité des sauvages, ne peuvent se reformer sur un terrain inégal. Et l'on combat partout, homme à homme. Maintenant, ô Calliope, quel fut le premier Natchez qui signala sa valeur dans cette mêlée sanglante? Ce fut vous, fils magnanime du grand Siphane, indomptable et terrible Adario. Les sauvages ont raconté que sous les ombrages de la Floride, dans une île au milieu d'un lac qui étend ses ondes comme un voile de gaz, coule une mystérieuse fontaine. Les eaux de cette fontaine peuvent redresser les membres pliés par les ans. Tradition historique, note de l'auteur. Et rebrunir au feu des passions la chevelure sur la tête blanchie des vieillards. Un éternel printemps habite au bord de cette source. Là, les ormeaux n'entretiennent avec le lierre que des amitiés nouvelles. Là, des chênes sont étonnés de ne compter leurs années que par l'âge des roses. Les illusions de la vie, les songes du bel âge, habitent avec les zéphyrs les feuilles de liane qui projettent sur le cristal de la fontaine un réseau d'ombre. Les vapeurs qui s'exhalent des bois d'alentour sont les parfums de la jeunesse. Les colombes qui boivent l'eau de la source, les fleurs qu'elle arrose dans son cours, ont sans cesse des œufs dans leur nid, des boutons sur leur tige. Jamais l'astre de la lumière ne se couche sur ses bords enchantés, et le ciel y est toujours entrouvert par le sourire de l'aurore. Ce fut à cette fontaine, dont la renommée attira les premiers Européens dans la Floride, que le génie de la patrie alla, d'après le récit des Natchez, puiser un peu d'eau. Il verse au milieu de la bataille quelques gouttes de cette eau sur la tête du fils de Siphane. Le sachem sent rentrer dans ses veines le sang de sa première jeunesse. Ses pas deviennent rapides, son bras s'étend et s'assouplit, sa main reprend la fermeté de son cœur. Il y avait dans l'armée française un jeune homme nommé Sylvestre, que le chagrin d'un amour sans espérance avait amené sur ses rives lointaines pour y chercher la gloire ou la mort. Le riche et inflexible Aranville n'avait jamais voulu consentir à l'hymen de son fils avec l'indigente Isabelle. Adario aperçut Sylvestre au moment où il essayait de dégager ses pieds d'une vigne rampante. Le sachem, levant sa massue, en décharge un coup sur la tête de l'héritier d'Aranville. La tête se brise comme la calebasse sous le pied de la mule rétive. La cervelle de l'infortuné fume en se répandant à terre. Adario insulte par ses paroles à son ennemi. « En vérité, c'est dommage que ta mère ne soit pas ici. Elle baignerait ton front dans l'eau d'Esquine. Moi, qui ne suis qu'un barbare, j'ai grossièrement lavé tes cheveux dans ton sang. Mais j'espère que tu pardonneras à ma débile vieillesse, car je te promets un tombeau dans le sein des vautours. » En achevant ces mots, Adario se jette sur l'esbin, lui enfonce son poignard entre la troisième et la quatrième côte, à l'endroit du cœur. L'esbin s'abat comme un taureau que le stylet a frappé. Le sachem lui appuie un pied sur le cou. D'une main, il saisit et tire à lui la chevelure du guerrier. De l'autre, il la découpe avec une partie du crâne. Et suspendant l'horrible trophée à sa ceinture, il assaillit le brave Hubert qui l'attendait. D'un coup de son fort genou, Adario lui meurtrit le flanc, et tandis qu'Hubert se roule sur la poussière, du tranchant de sa hache, l'Indien lui abat les deux bras et le laisse expirer, rugissant. Comme un loup qui, ayant dévoré un agneau, ne respire plus que le meurtre, le sachem vise l'enseigne, Gédouin, et d'une flèche lui attache la main au bâton du drapeau français. Il blesse ensuite Adhémar, le fils de Charles. Habitant des rives de la Dordogne, Adhémar avait été élevé avec toutes sortes de tendresse par un vieux père, dont il était le seul appui et qu'il nourrissait de l'honorable prix donné à ses armes. Mais Charles ne devait jamais presser son fils dans ses bras au retour des pays lointains. La hache du sachem, atteignant Adhémar au visage, lui enleva une partie du front, du nez et des lèvres. Le soldat reste quelque temps debout, objet affreux, au milieu de ses compagnons épouvantés. Tel se montre un bouleau dont les sauvages ont enlevé l'écorce au printemps. Le tronc mis à nu et teint d'une sève rougie se fait apercevoir de loin parmi les arbres de la forêt. Adhémar tombe sur son visage mutilé et la nuit éternelle l'environne. Comme une laie de Cilicie ou comme un tigre du désert de Sahara qui défend ses petits, Adario, redoublant de fureur à la vue de ses propres exploits, s'écrie « Voilà comme vous périrez tous !» Villes étrangers, tel est le sort que vous réserve les Natchez. En même temps, il arrache un mousquet à Kerbon et lui plonge dans la bouche la baïonnette. Le triple glaive perce le palais et sort par le haut du crâne de la pâle victime, dont les yeux s'ouvrent et se ferment avec effort. Adario abandonne l'arme avec le cadavre, qui demeurent écartés et debout comme les deux branches d'un compas. Soulevant d'une pierre énorme, tel que deux Européens la porteraient à peine pour marquer la borne de quelque jeu dans une fête publique, le sachem la lance, aussi légèrement qu'une flèche, contre le fils de Malherbe. La pierre roule et fracasse les jambes du soldat. Il frappe le sol de son front et, dans sa douleur, mord les ronces ensanglantées. Ô Malherbe, la faux de la mort te moissonne au milieu de tes belles années. Mais tant que les muses conserveront le pouvoir d'enchanter tes peuples, ton nom vivra comme ceux des Françaises auxquels ton illustre aïeul donna l'immortalité. Partout, à Dario se fait jour avec la hache, la massue, le poignard ou les flèches. Géblin, qu'enivre la gloire, d'Assas, au nom héroïque, l'imprudent destin qui eût osé défier Mars lui-même, Marigny, Comines, Saint-Alban, cèdent au fils de Siphane. Animés par son exemple, les Natchez viennent mugissant comme des taureaux sauvages, bondissant comme des léopards. La terre se pèle et s'écorche sous les pas redoublés et furieux des guerriers. Des tourbillons de poussière répandent de nouveau la nuit sur le champ de bataille. Les visages sont noircis, les armes brisées, les vêtements déchirés, et la sueur coule en torrents du front des soldats. Alors le ciel envoya l'épouvante aux Français. Febriano, qui combattait devant le Sachem, fut le premier à prendre la fuite, et les soldats abandonnés de leur chef ouvrent leurs rangs. À Dario et les Sachem y pénètrent avec un bruit semblable à celui des flots qui jaillissent contre les épieux noircis plantés devant les murs d'une cité maritime. Shepar, du haut d'une colline, voit la défaite de l'aile gauche de son armée. Il ordonne à d'Artaguet de faire avancer ses grenadiers. En même temps, Follard, parvenu à sauver quelques bronzes, les place sur un tertre découvert et commence à foudroyer les Sachem. Vous prévîtes le dessein du commandant des Français, vaillant frère de Tchelouta. Et pour sauver vos pères, vous vous élançâtes, soutenu des jeunes Indiens contre la troupe choisie. Trois fois, les compagnons d'Outougamiz s'efforcent de rompre le bataillon des grenadiers. Trois fois, ils se viennent briser contre la masse impénétrable. L'ami de René s'adressant au ciel, « Ô génie, si vous me refusez la victoire, accordez-nous donc la mort. » Et il attaque d'Artaguet. De Coursier, fils des vents et amant d'une cavale, fille d'Éole, du plus loin qu'ils s'aperçoivent dans la plaine, courent l'un à l'autre avec des hennissements. Aussitôt que leurs haleines enflammées se mêlent, ils se dressent sur leurs jarrets, s'embrassent, couvrent d'écume et de sang leurs crinières et cherchent mutuellement à se dévorer. Puis, tout à coup, se quittant pour se charger de nouveau, tournant la croupe, dressant leur queue hérissée, ils heurtent leur sol dans les airs. Des étincelles jaillissent du demi-cercle d'airain qui couvre leurs pieds homicides. Ainsi combattaient d'Artaguet et Outougamiz. Tels étaient les éclairs qui partaient de l'acier de leurs glaives. La foudre dirigée par Follard les oblige à se séparer et répand le désordre dans les rangs des jeunes Natchez. Tribu du serpent et de la tortue, s'écrie le frère de Tchelouta, soutenez l'assaut de d'Artaguet, tandis que je vais, avec les alliés, m'emparer des tonnerres. Il dit. Les guerriers alliés marchent derrière lui deux à deux et s'avancent vers la colline où les attend Follard, intrépide sauvage. Si mes chants se font entendre dans l'avenir, si j'ai reçu quelque étincelle du feu de Prométhée, votre gloire s'étendra parmi les hommes aussi longtemps que le Louvre dominera les flots de la Seine, aussi longtemps que le peuple de Clovis continuera d'être le premier peuple du monde, aussi longtemps que vivra la mémoire de ces laboureurs qui viennent de renouveler le miracle de votre audace dans les champs de la Vendée. On voit, par ce passage, à quelle époque ce livre a été écrit. Note de l'auteur. Outougamiz commence à gravir la colline. Bientôt, il disparaît dans un torrent de feu et de fumée. Tel Hercule s'élevait vers l'Olympe dans les flammes de son bûcher. Tel, sur la voie d'Airain et près du temple des Euménides, un orage ravit Œdipe au séjour des dieux. Rien n'arrête les Indiens, dont le péril s'accroît à mesure qu'ils approchent des bouches dévorantes. À chaque pas, la mort enlève quelques-uns des assaillants. Tansou, qui se plaît à porter un arc de cèdre, reçoit un boulet au milieu du corps. Il se sépare en deux comme un épi rompu par la main d'un enfant. Kius, qui, prêt à s'engager dans les chaînes de l'hymen, avait déjà éteint le flambeau dans la cabane de sa maîtresse, voit ses pieds rapides soudainement écrasés. Il tombe du haut d'un roc dans une terre limoneuse, où il demeure enfoncé jusqu'à la ceinture. Tani est frappé d'un globe d'airain à la tête. Son crâne emporté se va suspendre par la chevelure à la branche fleurie d'un érable. De tous ses guerriers, Sépine suivait Outougamiz avec le plus d'ardeur. Ce héros descendait d'Oekala, qui avait régné sur les Siminoles. Oekala eut trois fils, Nape, qui devançait les chevreuils à la course, Terran, qui épousa Nitianis, dont les esprits stériles fermèrent le sein, et Scout, qui fut le dernier des trois enfants d'Oekala. Scout eut de la chaste Nibila, la charmante Elissoé, et le fier Alicinap, père de Sépine. Cet ardent sauvage avait promis à sa mère de lui apporter la chevelure du commandant des Français. Mais il avait négligé de faire des sacrifices au génie. Il ne devait plus rentrer dans la cabane de ses pères. Un boulet l'atteignit dans les parties inférieures du corps. Renversé sur la terre, il se roule dans ses entrailles. Son ami Telaza lui tend la main pour l'aider à se relever. Mais un second boulet arrache le bras secourable qui va frapper Outougamiz. Déjà, il ne restait plus que 60 guerriers de la troupe qui escaladait la colline des foudres. Ils arrivent au sommet. Outougamiz, perçant à travers les baïonnettes que Follard oppose à ses efforts, s'élance le premier sur un canon, abat la tête du cyclope qui allait y porter la mèche, embrasse le tube et appelle à lui les sauvages. Là se fait un carnage épouvantable des Français et des Indiens. Follard crie au premier « Quelle honte pour vous si vous étiez vaincu !» Outougamiz crie au second « Encore un moment de courage et à nous la victoire !» On entend le frémissement du sang qui se dessèche et s'évapore en tombant sur la machine rougie pour la possession de laquelle on combat. Les décharges des mousquets et des batteries font de la colline un effroyable chaos. Tels sont les mugissements, les ténèbres et les lueurs de l'Etna lorsque le volcan se réveille. Un ciel d'airain, d'où tombe une pluie de cendres, s'abaisse sur les campagnes obscurcies au milieu desquelles la montagne brûle comme un funèbre flambeau. Des fleuves d'un feu violet sillonnent les plaines mouvantes. Les hommes, les cités, les monuments disparaissent, et Vulcain, vainqueur de Neptune, fait bouillonner les mers sur ses fourneaux embrasés. Toutes les fureurs de la guerre se rassemblent autour du bronze qu'a saisi le frère de Tchelouta. Les Indiens tâchent d'ébranler la lourde masse et de la précipiter du haut du coteau. Les uns l'embrassent par sa bouche béante, les autres poussent avec effort les roues qui laissent dans le sol de profondes traces. Ceux-ci tournent contre les Français les armes qui leur ont arrachées. Ceux-là se font massacrer sur le canon que souille la moelle éparse, les cervelles fumantes, les lambeaux de chair, les fragments d'os. Chaque soldat, noirci par le salpêtre, est couvert du sang de ses amis et de ses ennemis. On se saisit par les cheveux, on s'attaque avec les pieds et les mains, tel a perdu les bras qui se sert de ses dents pour combattre. C'est comme un festin de la mort. Déjà Follard est blessé, déjà l'héroïsme de quelques sauvages l'emporte sur tout l'art européen lorsqu'un grenadier parvient à mettre le feu au tube. Aussitôt, la couleuvre de bronze dégorge ses entrailles avec un dernier rugissement. Sa destinée étant accomplie, elle éclate, mutile, renverse, tue la plus grande partie des guerriers qui l'environnent. L'on n'entend qu'un cri, suivi d'un silence formidable. Comme deux flottes puissantes se disputant l'empire de Neptune se rencontrent dans l'embouchure de l'antique Égyptus, le combat s'engage à l'entrée de la nuit. Bientôt, un vaisseau s'enflamme par sa poupe pétillante. À la lueur du mouvant incendie, on distingue la mer, semblable à du sang, et couverte de débris. La terre est bordée des nations du désert, les navires, ou dématés, ou rasés au niveau des vagues, dérivent en brûlant. Tout à coup, le vaisseau en feu mugit. Son énorme carcasse crève et lance jusqu'au ciel les tubes d'airain, les pins embrasés et les cadavres des matelots. La nuit et le silence s'étendent sur les ondes, où Outougamiz reste seul de toute sa troupe après l'explosion du foudre. Il se voulait jeter parmi les Français. Mais le génie de l'amitié lui fait au fond du cœur cette réprimande. Où cours-tu, insensé ? De quel fruit ta mort peut-elle être maintenant à ta patrie ? Réserve ce sacrifice pour une occasion plus favorable, et souviens-toi que tu as un ami. Ému par ses tendres sentiments, le fils de Tabamika bondit du haut de la colline, va se plonger dans le fleuve, et ranimé par la fraîcheur de l'onde, il rejoint les guerriers qui n'avaient cessé de combattre contre Darthaget. Les Sachem, aussi prudents qu'intrépides, craignant d'être coupés dans leur retraite, s'étaient réunis au bataillon de leur fils. Tous ensemble soutenaient à peine les efforts de Beaumanoir, qui, du côté des Français, obtenait l'honneur de la journée. Beaumanoir avait pour ancêtre ce fameux chevalier breton qui but son sang au combat des Trente. 12 générations séparaient Beaumanoir de cette source illustre. Étienne, Mathieu, Charles, Robert, Geoffroy, le second Étienne, Paul, François, qui mourut à Jarnac, Georges le Balafré, Thomas, François, deuxième du nom, et Jean le Solitaire, qui habitait le donjon d'où l'on découvre la colline isolée, le Mondol, note de l'auteur, que couronnent les ruines d'un temple druidique. Armé d'un casse-tête à l'instar de l'ennemi, Beaumanoir ravage les rangs des Natchez. Adario soutient à peine sa furie. Déjà le vieux Nabal, le riche Lipoé, qui possédait 200 pots de castor, 30 arcs de bois de merisier et 3 cabanes. Ouzuao de la tribu du serpent, Arimat qui portait un aigle d'azur sur son sein, une perle à sa lèvre et une couronne de plumes sur sa tête. Tous ces guerriers avaient péri sous les ongles de ce fier lion, Beaumanoir. On remarquait dans l'armée des Natchez un sachem redouté, le robuste Nipan. 3 fils secondaient son courage. Tanitien aux oreilles découpées, Mazinaïke, favori de sa mère, et le grand Ossani. Les 3 Nipanides s'avancent à la tête des sauvages, lançaient leurs flèches contre les Français et se retiraient ensuite à l'abri de la valeur de leur père. Comme un serpent à la peau changeante, à la queue sonore, reposant aux ardeurs du soleil, veille sur ses enfants qui se jouent autour de lui, si quelque bruit vient à se faire entendre, les jeunes reptiles se réfugient dans la bouche de leur mère. L'amour les renferme de nouveau dans le sein dont l'amour les fit sortir. Tel était Nipan et ses fils. Au moment où les 3 frères allaient attaquer Beaumanoir, Beaumanoir fond sur eux comme le Milan sur des colombes. Nipan, qui observe le mouvement du guerrier français, s'avance pour secourir les objets de sa vigilante tendresse. Privé d'une victoire qu'il regardait comme assurée, le soldat breton se tourne vers le sachem et l'abat d'un coup de massue. À la vue de Nipan terrassé, les Natchez poussent un cri. Tanitien, Mazinaïke et Ossani lancent à la fois leurs flèches contre le meurtrier de leur père. Beaumanoir se baisse pour éviter la mort et, se jetant sur les 3 jeunes sauvages, il les immole. Nipan, revenu de son évanouissement, mais répandant le sang par les yeux et par les narines, ne peut, heureux dans son infortune, apercevoir ses fils étendus à ses côtés. « Oh, mes fils, dit-il d'une voix mourante, sauvez mon corps de la rage des Français. Est-il rien de plus pitoyable qu'un sachem renversé par Areskoui? Les ennemis comptent ses cheveux blancs et insultent à son cadavre. Insensé, disent-ils, pourquoi quittais-tu le bâton de chêne? Ils le dépouillent et plaisantent entre eux sur les restes inanimés du vieillard. Nipan expire, parlant en vain à ses fils, et arrivé chez les morts, il gémit de retrouver ses mêmes fils qui l'ont précédé dans la tombe. Le grand prêtre, armé d'une torche ardente, rallie les sauvages autour du corps de Nipan. Adario et Outougamiz enlèvent le cadavre, mais Beaumanoir saisit d'une main le sachem, l'oblige à lâcher sa proie, tandis que de l'autre main il lève la massue. Adario recule et détourne le coup. Alors le ciel marque à la fois la fin de la gloire et de la vie de Beaumanoir. D'un revers de sa hache, Adario fend le côté de son ennemi. Le breton sent l'air entrer dans sa poitrine par un chemin inconnu, et son cœur palpiter à découvert. Ses yeux deviennent blancs, il tord les lèvres, ses dents craquent, la massue échappe à sa main, il tombe, la vie l'abandonne, ses membres se raidissent dans la mort. Adario, s'élançant sur Beaumanoir pour lui enlever la chevelure, « À moi, Natchez, s'écrie-t-il, Nipan est vengé. » Les sauvages jettent de grandes clameurs et reviennent à l'attaque. Du côté des Français, les tambours battent la charge. La musique et les clairons retentissent. D'Artaguet, faisant baisser la baïonnette à ses grenadiers, s'avance pour protéger le corps de son loyal compagnon d'armes. La mêlée devient horrible. La Mecque reçoit au-dessous des côtes un coup d'épée, comme il saisissait par les pieds le cadavre de Beaumanoir. La membrane qui soutenait les entrailles de la Mecque est rompue. Elle s'affaisse dans les aines, lesquelles se gonflent comme une outre. L'Indien se pâme avec d'accablantes douleurs et un dur sommeil ferme ses yeux. Le sort du noble Yatsi ne fut pas moins déplorable. Ce guerrier descendait des rois Yandat qui avaient régné sur les grands lacs. Lorsque les Iroquois envahirent la contrée de ses pères, sa mère le sauva dans une peau d'ours. Et l'emportant à travers les montagnes, elle devint suppliante au foyer des Natchez. Élevée sur ses bords étrangers, Yahtzi déploya au sortir de l'enfance la générosité d'un roi et la vaillance de ses ancêtres. Sa hutte était ouverte à tous les infortunés, car il l'avait été lui-même. La solitude n'avait point de cœur plus hospitalier. Yahtzi voit dans les rangs ennemis un Français qu'il avait reçu jadis sur la natte. Le fils de l'exil, prenant à sa ceinture un calumet de paix, s'avance pour renouveler l'alliance de la cabane. Mais le Français, qui ne le reconnaît pas, lui appuie un pistolet sur la poitrine. Le coup part. La balle fracasse la moelle épinière. Yahtzi, enveloppé d'une nuit soudaine, roule aux pieds de son hôte. Son âme, égarée sur ses lèvres, est prête à s'envoler vers celui qui reçoit le voyageur fatigué. Transporté de colère, Siego, autre banni des bois canadiens, Siego, qui était né sous un savanier, car sa mère fut surprise des douleurs de l'enfantement en allant à la fontaine, Siego prétend tirer une vengeance éclatante du sort que vient d'éprouver son ami. Insensé qui courait lui-même à sa perte, une balle lancée au hasard lui crève le réservoir du fiel. Le guerrier sent aussitôt sur sa langue une grande amertume. Son haleine expirante fait monter, comme par le jeu d'une pompe, le sang qui vient bouillonner à ses lèvres. Ses genoux chancellent, il s'affaisse doucement sur l'infortuné Yahtzi qui, d'un dernier mouvement convulsif, le serre dans ses bras. Ainsi l'abeille se repose dans le calice de la miraculeuse Dionée, mais la fleur se referme sur la fille du ciel et l'étouffe dans un voile parfumé. Les Indiens, à leur tour, arrachent à la vie une foule de Français et sarclent le champ de bataille. À la supériorité de l'art, ils opposent les avantages de la nature. Leurs coups sont moins nombreux, mais ils portent plus juste. Le climat ne leur est point un fardeau. Les lieux où ils combattent sont ceux où ils s'exercèrent au jeu de l'enfance. Tout leur est arme, rempart ou appui. Ils nagent dans les eaux, ils glissent ou ils volent sur la terre. Tantôt cachés dans les herbes, tantôt montés sur les chênes, ils rient du boulet qui passe sur leur tête ou sous leurs pieds. Leurs cris, leurs chants, le bruit de leurs chichicoués et de leurs fifres annoncent un autre Mars, mais un Mars non moins redoutable que celui des Français. Les cheveux rasés ou retroussés des Indiens, les plumes et les ornements qui les décorent, les couleurs qui peignent le visage du Natchez, les ceintures où brille la hache, où pend le casse-tête et le couteau d'escalpe, contrastent avec la pompe guerrière européenne. Quelquefois, les sauvages attaquent tous ensemble, remplissant l'espace qui les sépare des ennemis de gestes et de danses héroïques. Quelquefois, ils viennent, un à un, combattre un adversaire qu'ils ont remarqué comme étant le plus digne d'éprouver leur valeur. Outogami se distingue de nouveau dans cette lutte renaissante. On le prendrait pour un guerrier échappé récemment au repos de ses foyers, tant il déploie de force et d'ardeur. Le tranchant de sa hache était fait d'un marbre aiguisé avec beaucoup de soin par Ako Manda, aïeul du jeune héros. Ce marbre avait ensuite été inséré comme une greffe dans la tige fendue d'un plant de cormier. L'arbuste, en croissant, s'était refermé sur la pierre et, coupé à une longueur de flèche, il était devenu un instrument de mort dans la main des guerriers. Outogamise fait tourner l'arme héréditaire autour de sa tête et, la laissant échapper, elle va, d'un vol impétueux, frapper Valbel au-dessous de l'oreille gauche. La vertèbre est coupée. Le soldat ami de la joie penche la tête sur l'épaule droite tandis que son sang rougit son bras et sa poitrine. On dirait qu'il s'endort au milieu des coupes de vin répandues, comme il voulait faire dans les orgies d'un festin. Le rapide sauvage suit la hache qu'il a lancée, la reprend, et en décharge un coup effroyable sur Boisrobert, dont la poitrine s'ouvre comme celle d'une blanche victime sous le couteau du sacrificateur. Boisrobert avait pour aïeul ce guerrier qui escalada les rochers de Fécamp. Il comptait à peine 17 années. Sa mère, assis sur le rivage de la France, avait longtemps regardé, en répandant des pleurs, le vaisseau qui emportait le fils de son amour. Outogamise est tout à coup frappé de la pâleur du jeune homme, de la grâce de cette chevelure blonde qui ombrage un front décoloré, et descend, second voile, sur des yeux déjà recouverts de leurs longues paupières. « Pauvre nom pareil, lui dit-il, qui te revêtait à peine d'un léger duvet, te voilà tombé de ton nid. Tu ne chanteras plus sur la branche. Puisse ta mère, si tu as une mère, pardonner à Outougamise. Les douleurs d'une mère sont bien grandes. Hélas, tu étais à peu près de mon âge, et moi aussi, il me faudra mourir. Mais les esprits sont témoins que je n'avais aucune haine contre toi. Je n'ai fait ce mal qu'en défendant la tombe de ma mère. Ainsi vous parliez, naïf et tendre sauvage. Les larmes roulaient dans vos yeux. Bois-Robert entendit votre simple éloge funèbre, et il sourit en exhalant son dernier soupir. Tandis que, vaincus et vainqueurs, les Françaises et les Natchez continuent de toutes parts le combat. Shepard ordonne aux légers dragons de mettre pied à terre, d'écarter les arbres et les morts pour ouvrir un passage à la pesante cavalerie et au bataillon helvétique. L'ordre est exécuté. On roule avec effort, on soulève avec des leviers faits à la hâte le tronc des chaînes, les débris des canons et des chars. Un écoulement est ouvert aux eaux dont le fleuve a inondé la plaine. De paisibles castors, dans des vallons solitaires, s'empressent à finir un commun ouvrage. Les uns scient les bouleaux et les abattent sur le courant d'une onde afin d'en former une digue. Les autres traînent sur leur queue les matériaux destinés aux architectes. Les palais de la Venise du désert s'élèvent. Des artisans de luxe en tapissent les planchers avec une fraîche verdure et préparent les salles du bain, tandis que des constructeurs bâtissent plus loin, au bord du lac, les agréables châteaux de la campagne. Cependant, de vieux castors pleins d'expérience dirigent les travaux de la République, font préparer les magasins de vivres, placent des sentinelles avancées pour la sûreté du peuple, récompensent les citoyens diligents et exilent les paresseux. Ainsi l'on voyait travailler les Français sur le champ des combats. Partout se forment des pyramides où les guerriers moissonnés par le fer sont entassés au hasard. Les uns ont le visage tourné vers la terre qu'ils pressent de leurs bras raidis. Les autres laissent flotter leurs chevelures sanglantes du haut des pyramides funèbres, comme les plantes humides de rosée pendent du flanc des roches. Ceux-ci sont tournés sur le côté, ceux-là semblent regarder le ciel de leurs yeux hagards. Et sur leurs traits immobiles, la mort a fixé les convulsions de la vie fugitive. Des têtes séparées du tronc, des membres mutilés remplissent les vides de ces trophées. Du sang épaissi cimente ces épouvantables monuments de la rage des hommes et de la colère du ciel. Bien différents s'élèvent dans une riante prairie, au milieu des ruisseaux et des doux ombrages, ces monceaux d'herbes et de fleurs tombés sous la faux de l'homme champêtre. Flore, un râteau à la main, invite les bergers à danser à la fête printanière. Et les jeunes filles, avec leurs compagnes, se laissent rouler en folâtrant du sommet de la meule embaumée. La trompette sonne et la cavalerie se précipite dans les chemins qui lui sont ouverts. Un bruit sourd s'élève de la terre que l'on sent trembler sous ses pas. Des batteries soudainement démasquées mugissent à la fois. Les échos des forêts multiplient la voix de ces tonnerres et le Mechasebe y répond en battant ses rives. Satan mêle à ce tumulte des rumeurs surnaturelles qui glaceraient d'effroi les cœurs les plus intrépides. Jamais tel bruit n'avait été oui depuis le jour où le chaos, forcé de fuir devant le Créateur, se précipita aux confins des mondes arrachés de ses entrailles. Un fracas plus affreux ne se fera point entendre lorsque la trompette de l'ange, réveillant les morts dans leur poussière, tous les tombeaux s'ouvriront à la fois et reproduiront la race pâlissante des hommes. Les légions infernales, répandues dans les airs, obscurcissent le soleil. Les Indiens crurent qu'ils s'allaient éteindre. Tremblantes sur leur base, les Andes secouèrent leurs glaçons, et les deux océans, soulevés, menacèrent de rompre l'isthme qui joint l'une et l'autre Amérique. Suivis de ces centaures, causant plonge dans les rangs des Natchez. Comme dans une colonie naissante, un laboureur, empruntant de son voisin des poulains et des cavales, les fait entrer dans une grange où les gerbes de froment sont régulièrement étendues, des enfants placés au centre de l'air contraignent par leurs cris joyeux les paisibles animaux à fouler les richesses rustiques. Une charmante harmonie règne entre la candeur des enfants, l'innocence des dons de Cérès et la légèreté des jeunes poulains qui bondissent sur les épis en suivant leur mère. Causant et ses chevaux homicides broient sur leurs pas une moisson de héros. Et comme des abeilles dont un ours a découvert les trésors dans le creux d'un chêne se jettent sur le ravisseur et le percent de leur aiguillon, ainsi, ô Natchez, le poignard à la main, vous résistez aux cavaliers et à leurs chefs. fils du brave Henri et de l'aimable Laure. Les chevaux percés de flèches bondissent, se cabrent, secouent leurs crinières, frottent leur bouche écumante contre leurs pieds raidis ou lèvent leurs naseaux sanglants vers le ciel. Superbes encore dans leur douleur guerrière, soit qu'ils aient renversé leur maître, soit qu'ils les emportent à travers le champ de bataille. Peut-être, dans l'ardeur dont les combattants étaient animés, tous les Français et tous les Indiens allaient périr si, des bords entr'ouverts du firmament, Catherine des Bois, qui voyait ce massacre, n'eût levé les mains vers le trône du Tout-Puissant. Une voix divine se fit entendre. « Vierge compatissante, cessez vos douleurs. Ma miséricorde viendra après ma justice. » Mais bientôt, l'auteur de tous ces maux va suspendre lui-même, afin de mieux favoriser ses projets, la fureur des guerriers. Ainsi retentirent dans l'éternité ces paroles qui tombèrent de soleil en soleil et descendirent comme une chaîne d'or jusqu'aux abîmes de la terre. En même temps, le roi des enfers, jugeant le combat arrivé au point nécessaire pour l'accomplissement de ses desseins, songe à séparer les combattants. Il vole à la grotte où le démon de la nuit se cache pendant que le soleil anime la nature. La reine des ténèbres était alors occupée à se parer. Les songes plaçaient des diamants dans sa chevelure azurée, les mystères couvraient son front d'un bandeau, et les amours, nouant autour d'elle les crêpes de son écharpe, ne laissaient paraître qu'une de ses mamelles, semblable au globe de la lune. Pour sceptre, elle tenait à la main un bouquet de pavots. Tantôt, elle souriait dans un profond silence, tantôt, elle faisait entendre des chants comme ceux du rossignol. La volupté rouvrait sans cesse ses yeux, qu'un doux sommeil fermait sans cesse. Le bruit de ses ailes imitait le murmure d'une source ou le frémissement du feuillage. Les zéphyrs naissaient de son haleine. Ce démon de la nuit avait toutes les grâces de l'ange de la nuit. Mais, comme celui-ci, il ne présidait point au repos de la vertu et ne pouvait inspirer que des plaisirs ou des crimes. Jamais le monarque des ombres n'avait vu sa fille aussi charmante. « Ange ravissant, lui dit-il, il n'est pas temps de vous parer. Quittez ces brillants atours et prenez votre robe des tempêtes. Vous savez ce que vous me devez. Vous n'étiez pas avant la chute de l'homme, et vous avez pris naissance dans mes ténèbres. » La nuit, fille obéissante, arrache ses ornements. Elle se revêt de vapeurs et de nuages, comme lorsqu'elle veut favoriser des amours funestes ou les noirs complots de l'assassin. Elle attelle à son char deux hiboux qui poussent des cris dolents et lamentables. Conduite par le prince des enfers, elle arrive sur le champ de bataille. Soudain, les guerriers cessent de se voir et ne portent plus dans l'ombre que des coups inutiles. Le ciel ouvre ses cataractes. Un déluge, se précipitant des nues, éteint les salpêtres de mars. Les vents agitent les forêts, mais cet orage est sans tonnerre, car Jéhovah s'est réservé les trésors de la grêle et de la foudre. Le combat cesse, Shepard fait sonner la retraite, l'armée française se replie confusément dans l'obscurité et rétrograde vers ses retranchements. Chaque chef suit avec sa troupe le chemin qu'il croit le plus court, tandis que des soldats égarés tombent dans les précipices ou se noient dans les torrents. Alors la nuit, déchirant ses voiles et calmant ses souffles, laisse descendre une lueur incertaine sur le champ du combat où les Indiens étaient demeurés épars. Au reflet de la lune, on apercevait des arbres brisés par les bombes et les boulets, des cadavres flottant dans le débordement du Mechasebe, des chevaux abattus ou errant à l'aventure, des caissons, des affûts et des canons renversés, des armes et des drapeaux abandonnés, des groupes de jeunes sauvages immobiles et quelques sachems isolés dont la tête chauve et mouillée jetait une pâle lumière. Ainsi, du haut de la forteresse de Memphis, quand le Nil a surmonté ses rivages, on découvre, au milieu des plaines inondées, quelques palmiers à demi déracinés, des ruines qui sortent du sein des flots et le sommet grisâtre des pyramides. Bientôt, ce qui reste des tribus se retire vers les bocages de la mort. Outougamiz, en pénétrant dans l'enceinte sacrée, entrevoit, assis sur un tombeau, un guerrier couvert de sang. Le frère de Tchelouta s'arrête. « Qui es-tu » dit-il. « Es-tu l'âme de quelque guerrier tombé aujourd'hui sous le tomahawk d'Areskoui en défendant les foyers de nos pères ?» L'ombre inclinée ne répond point. Le grand prêtre survient et s'avance vers le fantôme avec des évocations. Les sauvages le suivent. Soudain un cri. Un homme blanc. Un homme blanc. D'Arteguet, blessé dans le combat et perdu dans la nuit, s'était réfugié au tombeau des sauvages. Outougamise reconnaît le Français contre lequel il a combattu. Le Français protecteur de Tchelouta, le Français ami de René. Touché des malheurs de D'Arteguet et désirant le sauver, il le réclame comme son prisonnier. « Je ne souffrirai point, s'écrie-t-il, que l'on brûle ce suppliant. » « Quoi ? Il aurait vainement demandé l'hospitalité au tombeau de nos aïeux. Il aurait en vain cherché la paix dans le lieu où toutes les guerres finissent. Et que dirait René du pays de l'aurore, le fils adoptif du sage Sactas, cet ami qui m'a donné la chaîne d'or ? Va, me dirait-il, homme cruel, cherche un autre compagnon pour errer dans les vallées. Je ne veux point de commerce avec les vautours qui déchirent les infortunés. Non, non, je ne descendrai point chez les morts avec un pareil grain noir dans le collier de ma vie. » Ainsi parlait le frère de Tchelouta. L'inexorable Adario ordonne que l'on saisisse le guerrier blanc et qu'il soit réservé au supplice du feu. Chactas avait fait abolir cet affreux usage. Mais le vénérable Sachem était prisonnier au fort Rosalie, et les Indiens irrités n'écoutaient que la vengeance. Les femmes qui avaient perdu leur fils dans le combat entouraient l'étranger en poussant des hurlements. Telles les ombres se pressaient autour d'Ulysse dans les ténèbres cimériennes pour boire le sang des victimes. Telles les Grecs chantaient autour du bûcher la fille d'Hécube immolée aux mânes de l'impitoyable Achille. Fin de la section 10.